serait-ce qu'un instant, savoir être vrai. Tu es comme dans un trou noir, tu vis comme dans un cauchemar, et tu rêves.